La maison d'édition format de Nakhodka Russie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du général Kim Jong-il, réponse aux questions de l'agence de presse Itartas de Russie.